le long de ma route. J'ai croisé des sans-doute, des c'est sûr, des peut-être, des semblants, des paraîtres, des mensonges, des aveux, heureux ou malheureux. J'ai rencontré des vies qui m'ont donné envie de marcher, d'avancer, de me laisser troubler, de leur tendre la main ou de serrer les poings. Tout le long du chemin, j'ai vu de loin en loin des amitiés brisées, des cœurs abandonnés, des amours étouffés, trahis ou déchirés. J'en fus même l'acteur, maintes fois dans l'erreur, regarder dans la glace et me voiler la face. Je sais le faire aussi, sans le moindre souci. Tout le long de ce temps qui compte mes printemps, je garde au fond de moi mes peines et mes joies, mes combats, mes défaites, jours sombres et jours de fête. Tout ce que j'ai appris pour venir jusqu'ici. Mais le chemin se perd par-delà les repères qui jalonnent nos vies pourtant si éphémères. Quand un brouillard épais atténue les reflets de nos douces envies sur le mur des regrets.